On va parler d'NFL avec notre ami Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Tony. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, c'est les propos de John Gruden. Ben, les propos, c'est pas des propos, il s'est fait prendre en fait sur des courriels de 2011 jusqu'à 2018, où ce qui était analyste à ESPN. Là-dedans, il y a plusieurs emails assez compromettants qui sont assez racistes en fait. Il y a également des propos un petit peu misogynes un peu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me dis une affaire, c'est parce que quelque part, là, oui, c'est dégradant, on est tous d'accord avec ça, sauf que si tu commences à analyser puis si tu commences à fouiller dans tous les emails, les courriels de tout le monde, on n'a pas fini, puis il n'y a personne de blanc. Exactement. Puis c'est difficile. J'essayais moi aussi de dire, c'est sûr que c'est pas le seul. Il Non, sera, il s'est fait ça poigner. C'est sera pas juste le ça la seul. différence. C'est Fait qu'il que s'est là, je fait me poigner. demande, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose contre lui. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi l'équipe de Washington qui dans toute cette histoire-là, qui est vraiment là, dérangeante aussi, là, dans le sens que c'est pas la première fois Washington, dernièrement, se fait pogner aussi. Mais comme tu dis, ben, c'est la société d'aujourd'hui aussi. 650 000 courriels qui ont été vérifiés. Là, aux dernières nouvelles, vendredi soir, semblerait qu'il n'y a personne d'autre qui aurait émis des propos comme Gruden. Mais il s'est fait pogner. Mais c'est toute une question de leadership dans tout ce dossier-là. C'est très sensible. Puis c'est malheureux parce que si on commence à faire ça, puis la NFL aussi, il y a des affaires qu'on cache beaucoup, là. Tu sais, c'est une business, puis ça sera pas le seul. Sauf que c'est vraiment dommage parce que, tu sais, je veux dire, l'équipe des Raiders, les Raiders sont les premiers à avoir engagé une femme, tu sais, au niveau la direction. Tu sais, ils ont été les premiers à engager un Latino, un Noir comme entraîneur-chef. Donc, tu sais, je veux dire, c'est une question de leadership dans ce dossier-là qui est aussi un sujet sensible cette année-ci. Donc, moi, je me dis, bon, il s'est-tu fait pogner, mais dans un autre sens, y avait-tu quelqu'un qui était contre Gruden, mais dans un autre sens aussi, c'est vraiment dommage qu'il ait passé des propos parce que dans ce temps-là, c'était une personnalité télévisuelle et là, c'était un head coach. Moi, c'est toute une question de dossier de leadership. Faut faire attention à ce que tu dis, puis aujourd'hui, fait que c'est Sauf que vraiment dommage. si tu C'est dirais vraiment en privé, tu dommage. irais en privé, puis tout le monde a dit des conneries, là. C'est que. Exactement, mais exactement. Sauf que Danny, dans cette game-là, t'es une figure publique. Puis il faut faire attention. Puis il y a du monde. C'est vraiment dommage parce que c'est non seulement des propos racistes, des propos homophobes, des propos misogynes. Donc c'est vraiment. Il a été élevé notre Gruden, mais c'est pas le seul dans la société comme ça. Puis je sais pas si ça va ouvrir une canne de verre comme on dit, parce que si on commence à faire ça. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Si tu commences à faire ça, t'as pas fini. Exactement. Donc, c'est un petit message peut-être en même temps, mais c'est dommage pour Gruden. Mais moi, en tout cas, il s'est fait pogner. Puis à un moment donné, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tant et si longtemps que tu te fasses pas pogner. Dans un sens, là, t'es libre pour faire ça, mais fais attention, surtout dans la. Puis c'était quasiment, tu sais, je veux dire, l'équipe allait bien. C'est vraiment spécial. Puis on se demande aussi dans le futur jusqu'à quel point. Les gens vont vouloir travailler pour cette organisation-là parce que Mark Davis aussi n'a pas vraiment commenté, il n'a pas démontré un certain leadership dans ce dossier-là. Il a dit, ben, parlez-en à la NFL, c'est eux autres qui ont les réponses. Donc, lui non plus, ça n'a pas été fort. Ça, c'est mon point de vue, là, mais ça n'a pas été fort non plus de sa part. J'ai hâte de voir ça, là. Y avait-tu d'autres sujets d'actualité qui t'ont marqué au courant de la semaine? C'est assez tranquille aussi, hein? Ouais, ben c'est tranquille. Zach Ertz, le lié Oui, rapproché il est des échangé. Eagles, il a été échangé aux Cardinals. Donc on voit le sérieux des Cards qui est la seule équipe invaincue encore cette semaine avec une fiche de 5-0. Donc ils vont chercher un mélange. J'aime beaucoup les décisions par les Cards en ce moment là et un mélange de jeunes joueurs puis ils apportent un certain leadership d'expérience des joueurs de ça qui vont aimer. Je pense que c'est un message à la Ligue pour dire, écoutez, on s'en va pour le Super Bowl. Je pense qu'ils ont l'équipe pour le faire. Donc, c'est vraiment agressif de leur part. Mais en même temps, la dernière nouvelle, je ne sais pas si tu as vu, Danny, le coach Kingsbury, il a été testé positif avec la COVID. Donc, demain, gros match contre les Browns, ne sera pas sur les lignes de côté pour coacher son équipe. Ouais, mais ça, il est loin de la mort, là. Non, c'est ça. Mais il sera pas là. Il sera pas là, par exemple. On va y aller avec des matchs de la semaine. Donc, Arizona-Cleveland, c'est pas mal le meilleur match de la semaine. Hein. Exactement. Moi, je le mets au même niveau que les Chargers aussi, puis les Ravens. Ouais. Mais Arizona-Cleveland, comme j'ai mentionné, Cleveland, est-ce qu'ils vont faire subir la première défaite aux Cards? Le match est à Cleveland, exactement. Donc, ça va être vraiment intéressant. Une équipe de l'Ouest qui s'en vient dans l'Est pour un match, malgré que le match est à 4 heures, donc c'est pas si pire au niveau du décalage horaire de l'équipe. Mais deux anciens, Kyler Murray contre Mayfield, deux anciens gagnants du Heisman, deux anciens qui ont joué pour Oklahoma. Deux premiers choix. Donc vraiment intéressant. On sent un vent tournant dans la NFL avec tous ces jeunes corps arrière-là, vedettes. C'est le fun de voir aussi le power ranking. On regarde les podcasts, tout le monde commente un petit peu les rendements des carrières. Donc moi, j'aime bien ça aussi. Là. Ben exactement. Puis on va voir, je pense que le match va se décider. Ça risque d'être un festival offensif. On va voir quelle défensive va sortir du lot. Ouais. En tout cas, les Cards surprennent. Les Browns, ils méritent un peu plus. Mais j'en reviens toujours à dire le genre de prise de décision... par les Browns là, au niveau du coaching, au niveau du plan de match, aussi Baker Mayfield. C'est une équipe qui manque encore de comment on dit ça, du raffinement, du fine-tuning pour vraiment se démarquer. Est-ce que c'est la grosse équipe en ce moment? Mais ça va être un gros match à surveiller demain, dimanche après-midi. Tu as aussi le match San Diego-Baltimore. Pas San Diego, Los Angeles. Oui, c'est ça. Deux équipes avec une fiche, 4 victoires, 1 défaite. Gros match. C'est à 13h demain, donc en plus, dimanche à 13h sur CBS. Gros match. Deux équipes de l'AFC. Justin Herbert contre Lamar Jackson. Ça, c'est une question, je ne sais pas si tu as pensé, Danny. C'était la question de la semaine. Qui comprend? J'ai vu une comparaison. Ça ressemble pas mal, hein? Oui, entre Justin Herbert puis Lamar Jackson. Moi, je penche plus pour un Herbert que Jackson. Moi, aussi Herbert, parce que Jackson, le style de carrière, c'est pas un carrière qui va jouer jusqu'à 30 ans, qui va dominer jusqu'à 30 ans. Exactement. Donc, Par son style de jeu. Exactement. J'ai hâte de voir les Chargers, Justin Herbert, contre la tertiaire des Ravens. Les Ravens ont alloué au-dessus de 400 verges contre Carson Wentz puis les Colts la semaine passée, donc... Les Ravens, il va falloir qu'ils se replacent au niveau de la défensive. Herbert va super bien. Quelle deuxième saison. L'équipe, vraiment, une équipe à surveiller d'ici la fin. Donc, un gros match dans l'américaine. Ça risque d'être peut-être... on va peut-être les voir en fin de saison dans les éliminatoires. Donc, ça aussi, c'est un gros match à surveiller. Okay. Ben, Tony, on se reparle. C'est très tranquille. C'est plus tranquille cette semaine que les autres semaines. Donc, on se reparle même pas la semaine prochaine. Parfait, oui. Bon voilà, football, tout le monde. Voilà, donc c'est la chronique de la NFL avec Tony Guzzo.